Cette semaine, le F4 serait-il devenu le nouveau F2.8? Quelques citations inspirantes en photo et le test du Nikon D750. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 72. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de François Blanchette. Salut Stéphane. Et Christian Jarry. Salut Stéphane. Salut messieurs. Qu'avez-vous fait côté photo récemment? J'en ai pris. Oh! Hey! Ouais, je sais, wow. C'est impressionnant. Attends, je suis surpris. Là. Oh, oui, attends. C'est bien pour ce... Oui, OK. T'as pris des photos, attends, de spectacle? Étonnamment, non, parce que le dernier que je suis allé, vendredi passé, j'étais tellement loin que ça valait pas la peine. C'était tellement noir. Puis comme il était tout seul sur scène, puis le fond était noir, je sais pas si vous savez, mais ça donnait pas un résultat vraiment super. Attends, qui es-tu et qu'as-tu fait de Christian? J'étais trop loin. On s'est fait avoir parce que ma blonde, elle a bien mal au dos ces temps-ci, puis on a voulu s'asseoir en haut, mais c'est parce que ce que je savais pas, c'est qu'au National, c'est des places réservées. Ah. Puis le gars qui est supposé te le dire est pas venu nous le dire, sauf avant le show. Parce que les gens qui sont assis là, ils sont arrivés juste avant le show. Fait que là, quand on est redescendu en bas, il n'y avait plus de place. Ah, j'étais oui. Super loin en arrière. Dommage. Anyway. Mais non, c'est ça. On est allé, ça fait des années. J'y vais, on est abonné depuis super longtemps à l'Écomuséum à Sainte-Anne-de-Bellevue. Mm-hmm. Puis, je me suis retourné de temps en temps, essayer de reprendre des photos, des choses différentes. On ne sait jamais l'opportunité que tu vois. J'ai réussi à pogner quelques photos intéressantes. Là, je retraîne ma DSLR. Là, on dirait que je me réhabitue parce que. Toutes les dernières fois, je traînais mon petit RX100 parce que... Ben oui, parce que c'est commode. Pratique. Oui, je sais que c'est moins élitiste, mais... Mais c'est Sony. Non, c'est pas à cause de ça. C'est plus parce que c'est commode. Puis, ben tu oui, je veux dire, il y a aussi... Tu sais, si je veux faire de l'artistique, puis c'est pas rien de négatif avec le RX100, c'est plus la 7D que je vais aller chercher. Mm-hmm. Mais la commodité de l'autre est indéniable, puis... Comme je vous l'ai déjà dit, l'ISO est meilleur sur RX100. Fait que dès qu'il y a moins de luminosité, c'est pas la 7D que je vais prendre. Mm-hmm. Bon. Toi, François, de ton côté? Moi, je suis. J'ai fait. Pour continuer un peu dans le spectacle, comme Christian il aime bien faire des photos de spectacle. Moi, je suis parti en tournée avec des rock stars. Oh. on a fait une tournée de trois villes au Québec en avion avec les finalistes de La Voix. Mm-hmm. Fait que je me suis amusé à prendre des photos. The Voice pour nos auditeurs français. Oui. Fait que je suis parti avec les quatre finalistes, puis on a fait le tour du Québec pour aller voir les gens à Québec, à Bagotville, à Sherbrooke. Puis c'est ça, toujours up and down avec l'avion, des turbulences, tout ça. C'était vraiment une tournée rock'n'roll. Oui, pour toi, ouais, ça devait être... Ouais. Il y en a deux qui ont vraiment failli être malades dans l'avion. Là. Ça faisait longtemps que je ne savais pas brasser de même dans un avion. J'en ai pris quelques-uns dans ma vie. Celui-là, il n'était pas plaisant. Non, ça brassait pas mal. Fait que je me suis amusé à faire des selfies, puis des photos avec la gang, puis tout ça. T'sais. Plus mon trip pendant entre mes scènes que je devais tourner, m'amuser à prendre des photos avec eux autres. C'était drôle, c'est le fun. C'est bon. Ah, puis moi, de mon côté, j'avais pris des photos il y a quelques semaines. C'est même avant le dernier enregistrement, je dirais, au Centre de la nature de Laval. Et on était allé faire du ski de fond en famille, puis c'était une belle journée. Donc, j'avais apporté le Nikon D750, d'ailleurs. Oh, c'est pour ça que j'ai retardé cette expérience à cet épisode-ci. Puis c'est ça, j'ai pris des photos de mes enfants en ski, puis des photos des animaux de la ferme, parce qu'il y a une petite fermette avec quelques animaux, là. Donc c'était intéressant. Puis ça faisait bizarre de travailler avec un réflexe, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis dehors, si je voyais pas ma photo comme il faut à l'écran avec les reflets de lumière, je pouvais pas me fier au viseur parce que le viseur est optique et non numérique. Uh-huh. Ça se perd vite des réflexes. Hein? Oui. Joke de ma donc. Pas trop mal. Joke de show de radio, de pas de radio mais web de photographie. Oui, non, voilà. J'avoue. C'était pas très intellectuel. C'est bon. Procéder. Parlant de procéder, on va passer au bloc de nouvelles. Christian, toi, tu nous parles d'un flash un peu spécial. J'ai vu ça, puis ça m'a vraiment, mais vraiment intrigué. On connaît tous là, bon, ce qu'on appelle les flash Cobra qu'on voit là, souvent sur les appareils photo, mais dans le cas présent, ce qu'ils ont décidé... un flash G.I. Joe, c'est ça? Non. Tu sais, tant qu'à être dans les blagues douteuses. Là. Finalement, la mienne n'était pas si pire que ça, hein, sais-tu? Bref, on va faire semblant que tu n'as rien dit, mais on va continuer comme si rien n'était. Merci. Non, il y a aussi les flashs qu'on voit là, sur les trépieds. Sur les trépieds? Oui, les flashs de studio, finalement, les sur trépieds. La personne a décidé de combiner les deux. Ce qui est à dire que c'est un petit flash studio qu'on l'on met sur notre appareil photo. OK. C'est pas petit. C'est assez massif, disons. Oh oui, je viens de voir la photo. Ouais. Mais il y a un potentiel intéressant, par exemple, avec ça. Parce que, oui, c'est pas quelque chose qui est pratique nécessairement tant que ça à traîner, à promener. Mais en même temps, c'est beaucoup plus puissant, par exemple. Ben oui, puis même, honnêtement, je trouve ça cool comme look. Ça paraît très bien. Ben non, moi, j'adore le look. Mm-hmm. Je serais curieux de savoir plutôt le poids de cette affaire-là. Oui, oui. Ça doit pas être léger. Mais ça, c'est alimenté de toute façon par le bloc, là. Oui, c'est ça. C'est pas batterie, c'est pas alimenté par l'appareil photo. Non, non, il y a un bloc. C'est ça, fait que tu vas t'installer, là. Tu vas pas te promener avec ça. C'est clair que tu te promènes pas avec ça. Ouais. Mais je trouve que, en tout cas, c'est une idée qui est brillante parce que dans le fond, je veux dire, surtout pour quelqu'un qui veut prendre des photos à l'extérieur, je pense à des photographes de mariage. C'est quelque chose de super intéressant comme chose, là. Mm-hmm. Parce que moi, je l'ai essayé, photographe de mariage, avec des flash externes, c'est vraiment pas commode. Mm-hmm. C'est pas le fun, c'est du stock à traîner, tandis que là, c'est quand même relativement compact, malgré tout. Puis, ben, tu peux en avoir plus qu'un. C'est ça qui est intéressant aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, rien ne t'empêche d'avoir avec un... Comme eux autres montent, avec un assistant, avec un petit... pas un umbrella, un softbox, c'est ce que je cherchais. Ouais. Fait que tu sais, je trouve ça un petit peu plus convivial, un peu plus utilitaire que un flash sur trépied. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est ça que tu avais toi aussi, François, quand tu as pris les photos sur la muraille de Chine. Là. Oui. Ouais. Parce que là, vous ne voyez pas, là, mais il y a une photo de la muraille de Chine avec un petit setup. Là. C'est bien beau. Oui, quand même. Ouais, hey boy, ça, c'est superbe. Bon, ouais, photo. C'est valable que vous ne voyez pas ça. Mais non, mais on va mettre le lien de toute façon oui, dans c'est... les. Ah, c'est dans comme ça. On n'est pas rendu encore à la web radio visuelle. Là. Ça sent bien, par exemple. Ça s'appelle des vidéos podcasts. Oui, c'est ça. Un jour peut-être. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire, mon cher Stéphane. Parfait. Ben, tu me dis combien ça coûte, ce bidule? Non, c'est... je crois que non, c'est pas encore... c'est un petit peu encore à... Comment je pourrais dire? À l'étape de prototype. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est encore sur le marché. Mais c'est quand même intéressant. Là, ça va venir d'ici peu de temps. Mm-hmm. Parfait. Mais moi, je dirais... Ah non, en fait, je vous dis ça. Puis dans les commentaires, il y en a qui ont... Il n'était pas là quand moi j'ai vu l'article, mais ça a été rajouté. Il parle d'un kit pour une tête à 2 200 $ et deux têtes à 3 000 $. Ah, OK. Ouch. Ouais, ben c'est ça. Faut... Ben, la miniaturisation, ça a un prix. Hein? Oui, ben puis quand tu gagnes ta vie avec ça, oui, exactement. C'est un investissement. On a-tu besoin de dire, comme on l'a déjà dit si souvent, ça c'est maintenant, dans un an ou deux. Oui, absolument. Mm. Donc, merci. François, toi, de ton côté... Comme nouvelle, vous vous rappelez du Trigger Trap? Oui. On avait tout commandé un, hein, je pense, la version... Ben, vous en avez eu un parce que vous étiez sur Canon, il n'y en avait pas pour Sony à ce moment-là. Là. Bon, mais il y avait aussi fabriqué la version boîte, tu sais, qui pouvait être utilisée à part, là, tu sais, sans avoir de câble et de logiciel, qui pouvait déclencher ton appareil directement à partir d'une boîte. Ben, en fait, ils ont pas réussi à arriver au bout de leur idée. Oh. C'est donc un Kickstarter fail, officiellement. Mais c'est-tu fail parce que il a eu son budget puis ça a pas marché? Ou... Oui, ça a coûté beaucoup plus cher. Oh. Ce qu'il y avait, c'est que... attendez, je vais essayer de retrouver mes notes ici. Le 2 mars 2015, les concepteurs du projet y avaient annoncé sur la... je vais recommencer ça. Les concepteurs ont annoncé le 2 mars 2015 que le projet, ça ne fonctionnait plus. Malgré le fait qu'ils ont ramassé 500 000 $ pour ça, ils visaient d'avoir 100 000 $ mais ça va avoir coûté 5 fois plus cher encore pour créer, puis 3 fois plus pour le fabriquer. Fait qu'il manque de l'argent dans la caisse. Fait que là, ce qu'ils ont dit, oh, là, évidemment, il y a un paquet de gens qui étaient fâchés parce que là, quand tu mets ton argent, là-dessus, même s'ils te le disent, qui sur Kickstarter, attention, c'est pas une boutique ici. Mm-hmm. Je comprends pas le monde qui se fâche. Je comprendrai jamais. Tu le sais que c'est risqué. Ben, oui. Ce que la compagnie a décidé de faire pour essayer de rendre les gens moins fâchés possible, ben, oui. Ils ont dit OK, il n'y aura pas de remboursement. OK, ça, c'était entendu en partant. Oui. Par contre, 20% de votre investissement que vous avez fait, on va le donner pour une organisation de charité, OK, avec l'argent qui reste dans les comptes. Bon, ça, c'est cool. Puis l'organisation de charité, si ça vous intéresse, c'est Photo Voice, qui ça aide des groupes marginaux à se faire connaître par la photographie. Whatever that means, les groupes marginaux, mais bon, c'est quand même une bonne... C'est mieux que rien, ça. Ouais. Exactement. Il n'y avait pas été question même d'une espèce de rabais en magasin, justement? Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'ils donnent le choix. Ah, OK. Soit que tu n'as pas de remboursement, soit qu'ils vont remettre 20% à une organisation de charité. Ils vont te remettre 20% en comptant. Fait que oui, finalement, il y a un petit remboursement en comptant possible. Ou 50% en crédit pour la boutique, okay. Trigger Trap, pour okay. les autres produits qu'ils produisent. Oui, parce que je croyais avoir vu ça, un 50% de rabais. Ce ouais. qui est quand même bon, un petit baume sur la plaie. Là, mais... ouais. Donc voilà, ben c'est ça. C'est pas toutes des success stories. Ben, il y en a beaucoup qui manquent leur coût même. Ils ont pas prévu les coûts. Juste, c'est quoi j'ai vu, hein, j'en ai vu un l'autre fois, c'est les coûts d'expédition qui ont coûté trop cher. Ah, oui. Le produit coûtait pas cher à faire, mais ils ont eu tellement trop de monde qu'à un moment donné, ça a commencé à coûter trop cher pour l'expédition, puis c'est à cause de ça que ça a flanché. Mm-hmm. Mais le produit était fait, il était correct. Mais là, ils ont dit au monde, ben là, on est désolé, mais c'est où on fait ou on vous demande plus d'argent pour vous l'envoyer. Pour l'envoyer, mm-hmm. oui. Ouais. Et voilà. Ah. C'est pas cool, mais... Mais non, on va espérer que la prochaine fois, leur prochain projet se... Ben, c'est une belle leçon, hein, oui, je veux dire. Oui, oui, oui. Ah, oui. Puis, comme je dis, il y en a beaucoup, beaucoup sur Kickstarter. Mm. Attendez-vous pas à avoir tout, là. Ouais. Alors, c'était cela. Voilà. Merci. De mon côté, moi, je vous parle du petit Nikon, le 1J5, donc le tout nouveau modèle de cette série. Je pense que vous dites que c'est un Fuji. Non, non, non. C'est un Nikon. Mais ça ressemble effectivement à un Fuji. Un petit peu, mettons. Petit boîtier argenté et noir. Assez sexy. Un petit look rétro, mais pas trop. Il y a non, quand même... Joli. L'objectif fait moderne, je trouve. Mm-hmm. Puis quand on le regarde du dessus, ça l'objectif est pas. Presque aussi gros que le boîtier. Mm-hmm. Ouais. Presque aussi large, devrais-je dire. Mais c'est quand même un beau petit boîtier avec une molette qui offre plusieurs modes, dont le mode manuel. Un capteur de 1 pouce, la mise au point hybride à 171 points, dont 105 de détection de phase. Donc, il y a quand même des bonnes caractéristiques. On parle de vidéo à 120 images secondes en 720p, à 60 images secondes en 1080p. Et ben, en fait, il y a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent au J4. Il y a la même taille d'écran, même ISO, pas tout à fait la même batterie, et même on perd un peu en autonomie, mais c'est probablement à cause des caractéristiques supérieures, là, c'est ça, un peu plus puissante, un peu plus poussée. Donc, l'écran qui est très respectable pour un appareil de ce type-là, on parle de 1 037 000 points, donc mm-hmm. excellente résolution. Capteur donc amélioré par contre à 20.8 mégapixels versus 18.4 pour le J4. Il y a énormément de modes là, Plus lourd, mais bon. Oui, un tout petit peu plus lourd. On parle de quoi? On parle de une once. On parle de 40 grammes à peu près. Donc, 40 grammes. On s'entend que ça fera pas la différence dans votre main. Je suis-tu seul, par exemple, qui se pose la question à quoi ça sert un mode 4K à 15 images par seconde? Ben d'ailleurs, j'allais l'annoncer. L'appareil tourne la vidéo 4K, mais effectivement, à 15 images secondes. Ben, je sais pas. Tu sais, la première GoPro qui faisait du 4K. Elle faisait ça. J'avais posé la même question à ce temps-là, je me rappelle. Je pense que c'est plus un petit coup de marketing ben pour oui. dire, regarde, la GoPro est rendue à 4K. Ceux qui se posent pas question, ils vont l'acheter et ben ils vont dire, hey, elle fait du 4K. Donc, malheureusement, c'est ça. À 15 images secondes. Ça peut avoir certaines utilisations quand même. Mm-hmm. Mais c'est clair que si tu veux faire une vidéo, ça va être l'air d'une caméra de surveillance des années 90. Ouais, c'est ça. Bravo, c'est à peu près ça. Hey, oui. Félicitations, t'as une qualité visuelle incroyable, mais on dirait quand même une caméra des années 80. Ouais, ou en fait, ta caméra de surveillance a une qualité d'image incroyable. Ouais, ouais, ouais, on voit un petit J5 dans le coin de la pièce, de la boutique. Là, pour c'est parce qu'en plus, c'est parce que malgré le fait que c'est à 15 images par seconde, ça doit être gigantesque, là, ces petits bouts de vidéo-là. Là. Fait que je sais pas. Ben, là, en fait, 4K, c'est 8 mégapixels. Donc, 15 fois 8 mégapixels à chaque seconde que tu filmes, ça va vite. Oui. Ouais. Donc, sinon, ben, si vous voulez faire une rafale plutôt, ben, on peut aller jusqu'à 20 images secondes. Donc, c'est quand même intéressant. Mais c'est rapide. On parle de 500$ pour le boîtier. En fait, moi, je l'ai vu à... non, en fait, c'est 500$ avec le boîtier et l'objectif 10-30 mm. Donc, et il y a un kit qui se vend aussi, un ensemble avec le 10-30 et un 30-110. Pour 750$, évidemment, on parle de dollars américains, c'est sur B&H Photo. C'est quand même plus que respectable, honnêtement. Là. Oui, oui, oui, parce que quand même, c'est un capteur d'un pouce, donc ça donne bonne qualité d'image, là, même en faible luminosité. Mm-hmm. Puis bon mode rafale, vidéo 1080p, 60 images secondes, c'est excellent. Pour quelqu'un qui veut un petit appareil là, pour la vie de tous les jours et tout ça, là, c'est excellent. Ça, là, j'avais fait acheter ça à une amie, moi, ben, un modèle plus vieux, là, puis elle est tombée en amour, puis moi, je pitonnais avec, puis je voulais frustrer parce que t'as pas de mode manuel, t'as pas rien, puis celle-là, là, en plus, maintenant, puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est un prix respectable, là, 500$, là, c'est pas... Je me souviens, j'avais testé, je pense, le J3 pour Best Buy à l'époque, puis c'était un très bon appareil. Et la distance minimale de mise au point était extrêmement courte. Je pouvais faire à peu près de la presque macro. Du macro oui. Ah ouais. Donc, vraiment intéressant. Puis, ben voilà, le prix aussi est bon. Connectique Wi-Fi aussi. En tout cas, il y a un paquet de trucs. Donc, vraiment intéressant. À surveiller, ça sort le 30 avril. On a de plus en plus des bons petits appareils, franchement, pour le coût, là, c'est de plus en plus intéressant. Mm-hmm. Bon, bien... ça conclut le bloc nouvelle. Christian, de ton côté, tu réponds à la question « Est-ce que F4 est devenu le nouveau F2.8? » Mais qui se pose cette question-là? Ouais, j'ai vu un article... Ben, c'est intéressant, sérieusement. Parce que j'ai vu un article sur SLR Lounge à propos de ça. Mm-hmm. Puis la personne, ce qu'il disait, c'est que lui avait... C'est drôle, il fait de la photo de concert. Il traînait souvent 2-3 objectifs 2.8. Problème majeur, en avez-vous utilisé des objectifs 2.8? Ben moi, j'en utilise souvent en télé, en vidéo. Ben on avait le Sigma 1750, le F2.8, mais pas un 70-200, là, ben, parce que c'est assez massif. Moi, oui, moi j'ai déjà loué un 24-70 2.8. Je ne sais pas si vous savez, là, mais c'est lourd. C'est pas léger. C'est ça. C'est ce que lui se plaignait, c'est exactement ça, c'est que c'est lourd. Puis... en avoir deux comme ça, avec, mettons, une 70-200 f2.8, parce que ça commence à faire beaucoup de choses à traîner sur soi. Puis ce qu'il disait, puis là-dessus, je le rejoins, surtout, on va être honnête là, avec les pleins capteurs, c'est que maintenant, même si t'étais à f4, ton capteur, il est capable d'être à ISO 8000, puis d'avoir des photos qui ont bien du bon sens. Ouais. Mais un objectif, moi je vous ai déjà dit, moi j'ai le 24-105 F4, puis je l'adore. Parce que tu as un range incroyable, une qualité visuelle superbe. La seule chose, c'est justement, c'est le F4 qui est plate. Oui, absolument. Mais sur un plein capteur, je regarde, mettons, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est la 5D Mark III là, qui me tape dans l'œil, là, mais bon, c'est les finances qui est l'autre problème. Mais ben, continue à ramasser ton argent, tu vas peut-être pouvoir t'acheter le Mark IV. Ouais. Non, je pognerais plutôt le Mark III quand le Mark IV va sortir. Oui, ah ben absolument. C'est plus ça qui m'intéresserait, sincèrement. Mais, fait que c'est ça, lui, ce qu'il expliquait, c'est que là, maintenant, il s'est acheté ces Sigma qui font une 24-105 F4 série or. Un peu comme celle qu'on avait regardée, là, mais nous autres, c'était des primes, là, c'était-tu la 50 ou la 35 qu'on avait essayé? La 35, la 35, oui, ben, t'es assez grande pour eux quand même. Mais... cette série-là, c'est ça, elle est intéressante parce que c'est une très belle qualité visuelle, c'est pas trop lourd, puis, comme on dit, le 24-105, là, c'est très, très polyvalent, là. Mais il n'y en a pas vraiment à 2.8 comme ça. T'as pas cette polyvalence-là. Mm-hmm. Fait que, là, si t'arrives à un côté, lui, il dit, ben, maintenant, je peux traîner un appareil photo, un objectif, puis il dit, j'ai un range incroyable, puis j'ai une qualité incroyable. Pour ce qui est de la photo de concert, justement, le flou en arrière, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça que tu veux. La raison pourquoi tu as ton 2.8, c'est parce que tu veux le plus de luminosité possible. Ouais. C'est juste ça qui t'importe. Si tu es capable de compenser avec ton ISO, pourquoi pas? Ben, tu vois, moi, c'est ce que j'ai parce que Sony n'a pas développé d'objectif f2.8 dans le 24-70 ni dans le 70-200. Même l'objectif Zeiss est f4. Donc, j'ai appris à vivre avec un f4. Voilà. Puis, de toute façon, ben, à ISO 1600, j'ai pas de bruit. À 3200, ça commence à peine. Donc, c'est très potable. Voilà. Oui, effectivement, à part pour la profondeur de champ, dans certaines circonstances. Ça, c'est sûr et certain que ça a un impact. Ouais. C'est clair là-dessus, mais si pour vous, la profondeur de champ n'a pas d'importance, c'est ça peut devenir intéressant. Ça dépend de ton projet. Oui, absolument. Il y a des projets, si tu fais du portrait, là c'est une autre histoire complètement. Là, on parle de d'autres choses, c'est sûr et certain. Mais encore là, tu peux contourner parce que tu peux éloigner le background, l'arrière-plan de ton sujet. Ben, ça va te donner, si tu peux, oui. Si tu peux, ouais. Ouais. Donc, mais il y a des façons de contourner un peu, c'est vrai. Mais des fois, tu veux carrément avoir le focus sur les yeux puis pas le reste du... Ouais. Des fois, c'est ça que tu veux. Oui, absolument. Ça, avec ta 85 mm, ouais. Christian, tu peux faire ça là, avec ça si tu veux. Là, c'est, fait que ça dépend. Si c'est le look que tu veux avoir, ben là, le F4 devient moins intéressant. Ouais. Non, exact. C'est mais oui, pour les spectacles, je suis d'accord avec toi, ça vaut la peine de... Puis, en plus, l'autre point qui n'est pas mineur, c'est que tu as le stabilisateur d'image. Oui, oui. Ça avec, ça joue. Ouais. Parce qu'il y a bien des fois où ce que... Ouais. Pas pour un spectacle, mais je me rappelle avoir été aux lanternes au Jardin botanique, mm-hmm. puis avoir pris des photos avec cet objectif-là à F4. Puis j'étais à 20, 30, ma vitesse. Puis avec le stabilisateur d'image, ça te permet d'en rattraper un peu. Fait que t'as besoin d'une bonne main solide, c'est clair. Mais en même temps, ça te permet de compenser une petite affaire aussi. Fait que ça, avec, c'est un plus parce qu'il n'y a aucun des objectifs ou presque, ben, il y a la 70-200 que le stabilisateur d'image. Mais en général, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont avec le 2.8. Fait que ça, avec, ça peut jouer. Mm. Fait que tu sais, je trouvais que c'était intéressant. Puis... plus on avance, puis comme je disais, on voit des petits appareils maintenant qui sont capables de prendre des photos jusqu'à 3200, 6400, qui sont quand même assez propres. Fait qu'on se dit, un plein capteur, rendu à 12800 maintenant, ça va s'en venir là, d'ici peu, là, où que ça va être presque propre, puis qu'il n'y aura rien. Fait que rendu à ce point-là, ton objectif, tu peux quasiment prendre ce que tu veux. Mm-hmm. C'est vrai. C'est un peu ça, dans le fond, que l'article dit, tu sais. C'est que ça te permet, le fait que tes capteurs s'améliorent tellement puis tellement rapidement, ben ça l'ouvre une grandeur, une possibilité d'objectifs que tu peux utiliser beaucoup plus grand. Et là, on parle évidemment de Canon et Sony parce que ce sont les appareils qu'on a. Oh oui. Mais l'article est fait avec des exemples Nikon. Donc pour les Nikonistes, vous êtes servis. Et on parle du Nikon DF, des objectifs, disons le 24-120 F4 avec... VR2, donc stabilisation, etc. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout plein d'exemples du côté Nikon. Parfait. Ben merci, Christian. François, de ton côté, tu as quelques citations pour nous inspirer à faire de la photo? Oui, parce que, justement, pour l'inspiration de la chose, là, t'sais, c'est toujours important de s'élever un peu au-dessus... oui, absolument. Au-dessus de la chose. mais de quelle chose on parle, là? Du sport national qu'on aime faire, c'est-à-dire faire de la photo. C'est de ça que je parle. Donc, c'est important de s'élever. C'est pas le hockey, le sport national? C'est important de suivre aussi, Christian. Ouais. excusez, je suis perdu. Tiens, une citation comme ça. « L'œil devrait apprendre à écouter avant de regarder. » Ça, c'est de Robert Frank, si on peut le dire comme ça. Une autre. « Ne rangez pas votre caméra avant d'avoir quitté l'endroit. » C'est vrai parce que ça m'est arrivé à quelques reprises. Ouais. Tu dis, bon, j'ai terminé, tu ranges ton appareil, puis là, tu manques la photo. Au Comic-Con, ça m'est arrivé une fois. Donc maintenant, tant que je suis pas rendu presque à l'entrée du métro, j'ai encore mon appareil en main parce que tu sais jamais, en sortant de l'endroit, juste à l'extérieur, il peut se passer quelque chose. Puis, Moi, je vais faire mon rabat-joie, je vais dire, c'est vrai quand tu n'as pas d'enfant. Oui. Ouais, ben là, il y a bien des affaires quand t'as pas d'enfant. Oui, oui. Ouais, non, c'est vu de même. Je dis ça de même, mais c'est juste parce que comme j'adore ma 7D, puis je la traînerais tout le temps si je pouvais, mais c'est encombrant. Ah oui. C'est oui. vraiment encombrant. Puis quand tu as besoin de prendre le petit qui est en train de de tomber à terre puis que tu l'assommes avec ta 7D, c'est peut-être pas le début. Écoute, utilise la technique F4 is the new 2.8. Oui, ça doit être ça, oui. Donc, la dernière citation, c'était de Joe McNally. Et ça, c'est des personnes connues. Moi, je les connaissais pas toutes, mais c'est des personnes assez connues, des photographes connus qui ont sorti ces Mais c'est ces des très belles citations, honnêtement. Là, j'avoue que c'est vrai quand puis, même. Puis Joe McNally, je l'ai vu au CES et c'est tout un bonhomme. Bon sens de l'humour, puis il est bon pour donner un petit atelier comme ça. Là. Puis de sortir une citation de temps en temps. Oui, c'est ça. J'en ai une autre ici qui est de Robert Capa, qui dit « Si vos photographies ne sont pas bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt. » Ah, ça, je suis d'accord, par exemple. Oui. Parce que si je regarde les premières photos que j'ai prises versus ce que je prends maintenant, je fais comme « Oh, oui, oh c'est boy, vrai. C'est pas la même chose. Hein? » Moi, c'est souvent un conseil que je donne aux gens. Et pas peur de remplir le cadre de l'appareil. Approche-toi du sujet. Oui. Donc, vraiment. De toute façon, ça se transmet dans l'image, la proximité aussi. Oui. On le sent si le photographe était prêt ou pas du sujet. Mm-hmm. Ça se voit avec l'optique. On le sait quand une photo est compressée, quand elle a été prise de loin, ça se voit qu'il n'y a pas de proximité. Oui. Même si c'est un gros plan du visage, des fois. Mm-hmm. Une autre ici de Edward Weston. Consulter les règles de la composition avant de faire une photo, c'est un peu comme consulter la loi de la gravité avant d'aller se promener. Ouais. Autrement dit, ça devrait être naturel. Ouais. Ouais. Pas obligé de reviser ses notes. Un moment donné, il faut que tu comprennes c'est quoi la composition et ses règles. Il faut que ça soit comme respirer, finalement. C'est ça qui devrait être votre but. Une autre de Ansel Adams, qui lui était très connu pour avoir fait beaucoup de paysages aux États-Unis dans les années, my God, je pense que c'est les années 20-30. J'ai déjà lu un truc sur lui. Lui, il dit « Vous ne prenez pas une photographie, vous la faites. » Bon, c'est un peu deep. Non, mais... non, ben je le comprends ce qu'il veut dire. C'est oui, pas, c'est ça. C'est juste utiliser les bons termes pour les choses qu'on fait, dans le fond aussi, à certains points. Hein. Et une petite dernière de Dorothea Lange. La caméra est un instrument qui apprend aux gens à voir sans caméra. Mmh. Je l'aime beaucoup, celle-là. Mmh. Oh, c'est songé. Ouais, ouais. C'est bon, ça. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire avant votre prochaine marche. Oui, mais en fait, je vais y aller tout de suite. Moi, ça vient de m'inspirer. Merci, François. De rien. Bon, alors de mon côté, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, j'ai testé le Nikon D750 et j'ai été agréablement surpris. C'est, on peut dire que c'est le successeur du légendaire D700 qui était sorti il y a 6 ans, mais... Juste ça. Ouais, donc je ne l'avais pas essayé. Par contre, c'est ça, c'est un appareil réflexe quand même. Et à première vue, il paraît un peu gros en main, mais pour avoir eu le Pentax 645Z à côté, là, ouais, mais ça, c'était un... T'es en train de comparer un 18 roues à... Ben oui, je sais, mais quand même, c'est que ça permet de relativiser les choses un peu. Là, tu te dis, ouais, c'est pas si mal. Non, mais pour vrai, je l'avais avec moi tout un après-midi quand on est parti faire du ski et tout ça, puis je l'ai pas trouvé encombrant, donc c'était... Ben, à peu près la grosseur d'un 7D, là, un réflexe normal. Okay. On parle d'un capteur 24,3 mégapixels. C'est comparable à celui du D610, là, côté résolution. Mais on a un système de mesure de lumière à 91 000 points versus à peine 2016 points sur le D610. Donc, quand même beaucoup plus évolué. On parle d'un système de mise au point automatique de 51 points, donc similaire à celui du D810, qui est le modèle au-dessus, si on peut dire. Là. Le D610, lui, il en offre seulement 39, ce qui est quand même très bon, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui en ont quoi, 9 ou 11 ou 19, donc déjà, c'est 39, c'est vraiment bien. À 51, ben là, c'est vraiment mieux. Mais non, c'est ça. Sensibilité ISO, on a un maximum de 12 800 ou 51 200 en mode étendu, mais je vous dirais que même à 6 400 et même 12 800, c'est utilisable. Oh ouais. Oui, c'est vraiment étonnant. Là. Le capteur, le nouveau capteur là, est vraiment impressionnant. On aime ça comme ça. Oui. Un petit point qu'il y a en moins, disons, du D810, parce qu'il faut quand même les comparer, ils sont à peu près dans la même catégorie, là, même si le D810 est un peu supérieur à certains niveaux. Justement, l'obturateur est limité à 1/4 millième de seconde versus 1/8 millième pour le D810, mais c'est un détail, à moins que vous fassiez toujours de la photo dans des conditions de gros éclairage et pour une raison obscure, vous êtes toujours à haut ISO, je sais pas. Ben non, si t'es à 1.8, ça peut être 1.8 commode, aussi. Mais on s'entend que c'est pas la fin du monde. C'est ça, non, 1/4 millième, c'est très très respectable. Fait intéressant, il y a deux lecteurs de carte SD. Donc, l'appareil peut atteindre une rafale de 6,5 images secondes. Grosse amélioration. Sur le D610, on parle de 6 images secondes. Et D810, on parle de 5. Évidemment, je suis sarcastique. Une vraie porte. C'est vite, ça. Non, mais c'est quand même bien. À 6 non, c'est excellent. 6,5 images secondes sur un réflexe, c'est très respectable quand même. On a la vidéo à 1080p à 60 images secondes. Tu sais, c'est fait de la belle vidéo aussi. Les photos, qualité impeccable, c'est vraiment bon. Et j'avais l'objectif, un espèce d'objectif de kit, là, objectif de base. Donc, puis mes photos sont très, très bien sorties. Mais les deux points là, qui pourraient peut-être intéresser les gens là, qui veulent faire une mise à niveau de leur équipement et tout ça, qui sont déjà du côté de Nikon. On a un écran inclinable, ce qui est plutôt rare du côté des réflexes Nikon. C'est vrai. Et le Wi-Fi intégré. Donc, pas besoin du fameux petit module que Nikon vend toujours à part. Écoute, il est temps que soit intégré. Oui. Là. Ça doit être dans tout éventuellement. Oui, ça coûte absolument. À peu près à rien. C'est à se demander pourquoi. Parce que c'est sûr que si tu vends un module externe, ça prend un boîtier, donc c'est plus gros. Mais juste le processeur Wi-Fi, la petite puce Wi-Fi, tu peux intégrer ça dans un boîtier sans problème. Donc, c'est une question de coût, Stéphane. Oui, absolument. T'sais, je te rappelle que le nouveau, je fais une parenthèse hors photographie, mais tu vas comprendre mon point de vue. Le nouveau 3DS que Nintendo a sorti vient pas de Power Supply. Il faut que tu l'achètes à part. OK. Ah. Mais c'est parce que techniquement, tu l'achètes puis tu peux pas le charger. Mais oui, c'est complètement brillant. Ridicule. Mais là, c'est quand on entend ça, tu dis oui, mais en Europe, c'est comme ça. Puis au Japon, c'est comme ça. Puis pour beaucoup de choses, là, t'es comme OK. Ouais, mais nous on n'a pas l'habitude de ça. Non, là, je le sais, mais c'est, semble-t-il, préparez-vous, ça s'en vient ici aussi. Pas juste Nintendo. Parce que je peux comprendre, encore là, au départ, c'était plutôt étrange, mais une imprimante qui est vendue sans câble USB, mais au moins t'as le fil pour la brancher. Mais un appareil sans power supply, sans. Mais tu sais, on dit ça, mais je regarde ma RX100. Techniquement, j'ai pas de chargeur pour ma batterie. Ouais, ben t'as un câble USB pour le charger dans un PC ou quelque chose. Je suis d'accord, mais. Et il y a des prises. Belkin et compagnie font des multiprises avec des prises USB, des ports USB. Là, non, donc, je sais, mais c'est pas aussi. Non, ça charge moins vite aussi, on s'entend. Mais, c'est moins pratique. Donc, voilà. Ben, du côté du boîtier, ben, c'est fait à partir d'un alliage de magnésium et le boîtier est tropicalisé. Donc, boîtier très robuste là, quand on le prend. Et bon, il y a une prise casque, une prise micro, une sortie HDMI. C'est un boîtier très complet là, qui peut faire autant de la vidéo professionnelle que de la photo. Donc voilà. L'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le 24-85 f3.5 à 5.6. Et bon, normalement, on peut s'attendre à un peu plus de qualité si... Ben, c'est un indice, mais ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue. Mais normalement, quand un objectif a une ouverture maximale fixe, disons f4 sur toute la longueur, ben, on s'attend à avoir un meilleur objectif. Quand on voit un f3.5 à 5.6, on se dit ben c'est un objectif de base, de départ, ou qui peut être vendu avec le boîtier. Et pourtant, ben, les photos étaient vraiment très, très nettes. Là, donc, C'est une plage que je trouve intéressante, ça, 24-85. Oui. Je trouve ça plus intéressant que les 17-55. Ben, ou 24-70. Donc, tu as un 15 mm de plus pour zoomer un tout petit peu plus. Donc, ça peut être intéressant. Parfois, ça peut faire la différence. Tout à fait. Donc, voilà. Ben, moi, j'ai vraiment... Honnêtement, à force d'en tester des Nikon, on apprend un peu l'ergonomie du boîtier. On s'y habitue quand même. Donc, j'ai trouvé que c'était un très, très bon appareil. Et si vous êtes déjà du côté de Nikon et vous voulez faire une mise à niveau, moi, je vous le conseille fortement. C'est probablement l'appareil le plus complet et le plus polyvalent chez Nikon en ce moment, là, du côté des réflexes. Donc, autonomie habituelle, là, même un peu plus que les réflexes auxquels on est habitué. On parle d'au moins 1200 clichés. Ça, donc, c'est bien. Oui. Pas du petit 2-3. Hein? Je sais, je sais. J'aime ça piquer Stéphane avec ça. Alors voilà, si vous êtes un amateur sérieux ou un professionnel et que vous ne souhaitez pas nécessairement vous acheter un D3S ou un D4S, quelque chose comme ça, ou avoir un deuxième boîtier c'est pour faire des mariages, des événements, ben le D750 est fortement, fortement conseillé, recommandé. Donc, c'est ce que j'allais dire, les deux en même temps. Et d'ailleurs, ben, je connais quelqu'un qui avait un D3S et je ne me souviens plus de l'autre modèle, et qui a vendu ses deux appareils et qui a acheté deux D750. Ah, okay. Ah bon? Okay. Ouais, aussi simple que ça, tellement il était satisfait. Il a presque acheté la company. Il a acheté des actions de Nikon. Ouais, c'est ça. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. On va passer aux suggestions de la semaine. François, de ton côté? Je suis tombé sur des belles photos mielleuses. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les... Oui, maintenant que je vois la photo, j'ai dit. Ouais, oui, les médias sociaux. C'est vraiment, il y a des photographes qui t'ont des idées des fois, puis c'est génial, parce que tu te dis, OK... Je sais pas quoi penser, moi. Je sais pas si c'est écœurant ou si ça m'écœure, je suis comme pas sûr. Okay, entre deux. Bon. Chose certaine, c'est du gaspillage de miel, bon, pour ceux qui aiment ça. Bon, je vous explique c'est quoi. C'est le photographe Blake Little qui a eu une idée vraiment... Il doit vraiment la dent sucrée, ce gars-là, parce que c'est ça. Il a décidé... qui déverserait des litres et des litres de miel sur ces sujets humains et dévêtus. Mais le résultat, en tout cas pour ma part, ça sort, saisissant. Oui, honnêtement, ça sort vraiment bien. C'est plus que c'est... Je voudrais pas être à la place des sujets. C'est plus ça. Ah oui, mais ça, bon, écoute, quand tu te lances dans l'art, t'es prêt à toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Gars, ça, c'est dégoûtant. Ouais. Je veux dire, c'est beau. En fait, c'est ce que j'adore c'est... j'adore la luminosité, le fini que ça donne sur la personne, mais en même temps, on dirait quasiment qu'ils sont morts. C'est ouais. bizarre, c'est étrange l'effet que ça donne. Oui, ouais. C'est très étrange, mais effectivement, la lumière adore ce type de miel qui recouvre un objet ou un corps, dans notre cas ici. Puis, tu sais, il va chercher justement tous les types de personnes, un bébé, un couple tatoué, une femme obèse, un chien, une personne âgée. OK, ça c'est awesome, par exemple. Le chien qui est en train d'essayer d'enlever le miel. Là. Des jeunes innocents, une jeune femme adulte avec un corps parfait. C'est vraiment... il faut aller le voir. Ça, là, est cool. Ça, on dirait que c'est plus du plastique que du miel que sur lui. Ouais. On dirait Piqué Souban. Fait qu'il faut aller voir ça, juste pour, je dirais, pour sa culture... tout à fait, tout à fait. Photographique. Moi, je trouve que c'est une idée franchement géniale. Peu importe le résultat, si on le trouve dégueulasse ou pas. Mais j'aime ça, comme je te dis, je trouve ça beau. Le dégueu, il est à un autre niveau. Là. Ouais. C'est le niveau personnel, le résultat est vraiment cool. C'est parce que toi, tu te transposes dans la personne, tu te dis, écoute, moi, si j'avais 2 gallons de miel sur mon corps, à ce moment, je capoterais. Regarde, c'est dégueu, mais je le ferais. Oui, ah ben, coudonc. Sérieusement, parce que je trouve le résultat, quand tu le vois, c'est réussi, c'est cool, mais non. C'était mon coup de cœur de la semaine. Mm-hmm. Bon, merci. De mon côté, connaissez-vous Thomas Knoll? Non. Ça me dit de quoi, moi? Oui, hein? Le nom doit être familier parce que c'est le créateur de Photoshop. Photoshop qui célébrait ses 25 ans il y a quelques semaines. J'ai assisté à une petite conférence là, qui faisait un récapitulatif puis qu'ils en ont profité pour annoncer des trucs. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est la galerie photo de M. Knoll. Et qui a fait de la photo sur tous les continents, y compris l'Antarctique, François. Ah, donc, le continent qui me manque. Ouais, donc des photos absolument superbes. Probablement passées à Photoshop, mais vraiment superbes. Les animaux, écoute, c'est vraiment incroyable. Donc, on va mettre l'eau à la bouche à François en montrant des photos d'Antarctique. Oh. Oh là là, c'est beau. Ouais. Donc, voilà, de la glace et tout ça. On va mettre le lien, évidemment, dans les notes d'épisode, mais c'est vraiment quelque chose à aller voir. Là. Il a fait le tour du monde, ce type-là, et il a pris de très, très beaux clichés. En effet. Donc, voilà. Thomas Knoll. Mm. Christian, de ton côté? Ben, ça tombe bien que tu parles de Photoshop. J'en ai un petit quelque chose par rapport à ça, moi aussi. Bon. En fait, j'ai 2 suggestions pour vous cette semaine. Mm-hmm. Pour en revenir à Photoshop, ça fait 25 ans. Puis si vous voulez voir quelque chose qui est vraiment hilarant, c'est voir 8 maîtres de Photoshop, essayez d'utiliser Photoshop version 1.0. Ah oui, la toute première version. Tu sais, quand on dit des fois, il y a des logiciels qui peuvent pas faire grand-chose, comparé à ce que Photoshop 1 peut faire, yish, on est rendu loin. Là. Vraiment, là, quand Paint est rendu puissant par rapport à Photoshop 1.0, là, c'est quelque chose. C'est vraiment drôle de les voir. Puis là, il est comme, ah, je vais mettre un autre, layer. Puis oh, non, il n'y en a pas. Non, il n'y avait pas de couche à l'époque. Il n'y a pas de couche à l'époque. Il essaye plein d'affaires, puis non, non, ça marche pas. Ça, il l'a pas. Ça, il pas. Il y en a qui réussissent à faire des affaires pas pire quand même. Mais juste le visuel, pour ceux qui connaissent les vieux Mac, là, les pommes là, en noir et blanc, tout ça, là, c'est horrible. Là, les menus et toute l'équipe, là, mais c'est à 25 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, on a changé un petit peu là-dessus. Là. Et fait intéressant, c'est qu'on voit le visage du photographe qui est filmé, disons, sur un côté de l'écran. Là. Donc, on voit ses réactions pendant qu'ils sont en train d'essayer. C'est vraiment drôle. Ça fait penser un peu aux enfants. Là tu leur donnes une enregistreuse, là, une vieille enregistreuse. Puis là, tu te demandes, ça sert à quoi, ça? Puis ils savent pas. Là. Ils essaient de guesser. Une disquette. Ah, c'est très drôle, ouais. Qu'est-ce que des c'est? Trucs comme ça. Parfait. Et ta deuxième suggestion? C'est les 20 plus belles photos prises avec un iPhone 6 tel que sélectionné par Apple même. D'accord. On le dit souvent, tu sais, des fois l'appareil photo qu'on a sur soi est le plus... C'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis c'est également 20 preuves de ça. OK. C'est des photos qui sont simples. C'est sûr, puis encore une fois, on l'a déjà dit, c'est des photos prises dans des belles conditions. Là. C'est presque toutes avec un soleil ou des choses comme ça, tu sais, des belles... Mais ça prouve que même une petite affaire comme ça, un petit iPhone, tu peux faire des photos écœurantes quand tu as les bonnes conditions. Oui, absolument. Regardez celle-là. Là, il y avait peut-être un filtre... voyons. Ça demande pas grand-chose. Je veux dire, on voit une photo, c'est un tunnel, t'as un homme, mais c'est... Comment qu'il a réussi à cadrer sa photo? Ouais, c'est la géométrie. C'est la géométrie. La perspective. La fuite. C'est ça, là. C'est simple. Là. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose. Mais je trouvais ça intéressant. Ça fait un beau résultat. Oui. Parfait. Bon, ben merci bien. Et ceci conclut ce 72e épisode. Donc, au prochain épisode, on va vous donner des conseils pour photographier des surfaces réflectives. On va parler du logiciel photo de Mac OS X et quelques petits trucs pour manipuler vos cartes mémoire pour éviter les pertes d'informations, entre autres choses. Donc, pour nous rejoindre, pour nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions, vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à @onumérique, sur Facebook et Google+, Objectif Numérique et évidemment la communauté Google+, photographe amateur au pluriel. La communauté qui ne cesse de grandir et qui est rendue à l'heure de l'enregistrement 6059 membres. Donc, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, on attend vos candidatures, si jamais ça vous dit de modérer pour les photographies qui sont publiées sur le groupe, parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai besoin d'un petit coup de main pour gérer tout ça. Donc... en fait, j'attendais que François arrive sur Google+, mais je pense que là, j'ai pas le choix de demander de l'aide de l'extérieur. Je suis désolé, Stéphane. N'importe quoi. Twitter à ce moment-là. Le réseau du bullying puis du bashing, là, c'est ça, Twitter? Ah oui. Non, okay. C'est pas non. Ça? Je m'excuse. Non, parce que l'avantage, c'est que tu peux bloquer la personne qui le fait. Ah, OK. Mais non, c'est pas mon expérience, Twitter. Alors voilà, merci beaucoup François. Merci Stéphane. Merci Christian. Merci Stéphane. Merci chers auditeurs et d'ici le prochain épisode, à vos déclencheurs.